Le président palestinien Mahmoud Abbas a fait parvenir une corbeille de fleurs au maréchal Kim Jong-un à l'occasion des 61 ans du Parti du Travail de Corée. L'ambassadeur palestinien en Corée, Ismail Ahmad Mohamed Hassan, l'a transmise le 4 à Lee Soo-yong, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée.